Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu es sur la chaîne où l'on parle d'investissement rentable et sécurisé. Je te fais une rapide vidéo avant d'aller prendre l'apéro. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois absolument investir dans l'immobilier. Avant de démarrer, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables. J'ai mis en place une formation d'investissement locatif de A à Z. Tu peux la télécharger gratuitement dans le lien qui se trouve dans la vidéo au-dessus ou en dessous. Tu me mets juste ton prénom et ton email. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi il faut absolument te lancer dans l'investissement immobilier dès maintenant. 5 clés pour répondre à ce pourquoi. La clé numéro une, c'est que l'immobilier, l'investissement immobilier, en fait, c'est vraiment pas compliqué. C'est assez simple à mettre en place. Il ne faut pas être un génie pour le faire. Je l'ai fait, par exemple. Il ne faut vraiment pas être un génie pour le faire. Par contre, il faut franchir cette première étape, la première marche, c'est la plus difficile. Une fois que tu auras franchi la première marche, dans laquelle tu seras posé beaucoup de questions, dans laquelle tu auras fait quelques erreurs, tu vas pouvoir accélérer parce qu'en fait, tu vas t'apercevoir que c'est tout le temps pareil. C'est tout le temps les mêmes questions à poser, c'est tout le temps les mêmes choses à regarder, les mêmes pièges à éviter. Les mêmes montages financiers, quand tu auras ton dossier une première fois pour une offre à un vendeur, à une agence immobilière, bah, tu auras ton discours qui sera rodé, tu auras ton dossier qui sera fait, tu auras juste à le mettre à jour. Pareil pour négocier ton offre de prêt au niveau de la banque, tu vas le faire une fois et ensuite tu connaîtras tous les documents. Tu auras déjà la présentation avec tes tableaux, tu sauras exactement ton taux d'endettement. Tout cela avant de franchir la première marche, ça va te paraître du chinois, mais une fois que tu auras franchi cette première marche, tu vas trouver ça assez simple et tu vas pouvoir recommencer, itérer, itérer, itérer. Et c'est comme ça qu'en fait, on se retrouve vite à mettre beaucoup de temps à faire son premier bien immobilier, voire ses deux premières acquisitions. Et ensuite, on accélère et d'un coup, on se retourne, on a déjà 8 biens. C'est qu'il faut absolument franchir cette première marche et ne pas avoir peur d'y aller au plus vite. La clé numéro 2, c'est plus tu vas te lancer dans l'investissement immobilier, plus tu vas faire des investissements et plus tu vas te créer un réseau d'investisseurs, un réseau d'artisans, un réseau d'agents immobiliers, de chasseurs d'appartements, un notaire, un expert comptable, potentiellement un avocat fiscaliste. Tu vas te créer un réseau qui va te permettre d'être plus fort et de prendre une puissance au fur et à mesure de tes investissements immobiliers. Si tu fais ça dès maintenant, tu vas te créer au plus vite ce réseau qui va te permettre, qui va travailler pour toi et te permettre de générer un vrai empire immobilier le plus rapidement possible. La clé numéro 3 qui vraiment me tient à cœur, c'est qu'en fait, tu vas proposer un service de qualité à des personnes qui en ont besoin, à un locataire. C'est pour ça que je te dis souvent dans les vidéos de faire quelque chose vraiment de premium, déjà parce que tu vas pouvoir louer plus cher, et en plus parce que derrière le fait de faire de l'argent, c'est cool de faire de l'argent, mais c'est qu'un véhicule. Si derrière tu as une mentalité qui n'est pas bonne, ça ne sert à rien d'aller faire de l'argent. Et je te dis juste, par exemple, ne me suis pas, parce que moi je veux que des personnes qui ont une bonne mentalité. Et par rapport à ça, moi je suis heureux de donner un bien de qualité à un locataire, de lui proposer quelque chose vraiment de bien. Là, récemment, j'ai loué à une personne. Elle est rentrée dans l'appartement, elle m'a dit waouh, elle était heureuse, sa fille a eu un coup de cœur, elle a eu un coup de cœur. Je sais que ça va être des bons locataires parce que c'est des gens à qui, d'une certaine manière, j'ai rendu service. C'est du gagnant-gagnant. Et c'est pour ça que je fais aussi de l'investissement immobilier. C'est pour rendre un service et donner une prestation dont une personne a besoin. Ça, c'est la clé numéro 3 et pour moi, vraiment, c'est une clé qui est indispensable dans le pourquoi je fais de l'investissement immobilier. La clé numéro 4, c'est que si on compare ça à une société, à des investissements vraiment très risqués, au final, l'immobilier, ce n'est pas si risqué que ça. Au pire, tu vas faire des erreurs, au pire, tu vas perdre un petit peu d'argent, mais à la fin, le socle de ton investissement, tu vas le regagner. Alors, ça peut te paraître bizarre, mais sur un cycle de 30 ans, même si ça peut paraître très long, mais sur un cycle de 30 ans, tu n'as pratiquement personne qui a perdu de l'argent dans l'immobilier. Si tu suis cette vidéo et que tu connais quelqu'un qui a perdu de l'argent sur 30 ans en immobilier, alors mets-moi un commentaire et dis-moi ce qui s'est passé pour lui. Normalement, si une personne s'est formée, a investi sagement et qu'ensuite il y a eu des erreurs, il y a eu des problèmes, si on prend sur 30 ans, c'est long 30 ans, mais d'un autre côté, voilà, le bien, par exemple, qui va mal se passer, bah, tu vas le garder. Tu vas faire attention et tu vas le garder. Parce que tu en auras d'autres de toute façon qui vont te rapporter, donc ça ne sera pas très grave. Mais à un moment, tu vas au moins être flat. Et ça sera beaucoup moins risqué qu'une société où tu vas perdre tout le capital, tout l'argent que tu auras mis dedans. Donc ça, C'est vraiment la clé numéro 4, c'est que finalement l'investissement immobilier, c'est ce qui va te permettre de faire de l'argent le plus rapidement possible avec un risque au final très très très minime. Maintenant, la clé numéro 5, ça va être de profiter de cet effet de levier. Tu vas faire travailler de l'argent que tu n'as pas. Et ça, c'est juste magnifique. Moi, c'est quelque chose qui m'éclate toujours. C'est d'acheter quelque chose, d'acheter un bien immobilier, de faire une opération globale à 200 000 euros et de mettre 2 000 euros ou 3 000 euros dedans. Et tous les mois, j'ai quelqu'un en fait qui me paye mon crédit. Moi, je récupère un petit peu de cash flow. Et 10 ans plus tard, tu sors de là, tu as gagné 100 000 euros. Plus le cash flow qui t'a permis de vivre correctement, voire de faire des petits travaux, voire d'investir ailleurs. Je ne connais pas aujourd'hui d'autres produits qui te permettent de faire ça avec un risque très très limité. Voilà, je t'ai donné les 5 clés du pourquoi il faut investir dans l'immobilier. Maintenant, tu n'as plus de prétexte, tu peux foncer dès maintenant pour commencer tes investissements immobiliers. Si cette vidéo t'a plu, en tout cas, mets-moi un gros like, partage-la à des amis qui sont intéressés par l'investissement immobilier, laisse-moi un commentaire. Tout ça va me permettre de monter dans les moteurs de recherche et de faire savoir au plus grand nombre qu'Esprit Gagnant est là pour les aider à devenir rentables. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi tout de suite à ma chaîne YouTube pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. C'est du contenu complètement gratuit. D'ici là, je te dis passe à l'action. Kiffe. Ciao, ciao.